Un café citoyen, c'est un débat d'idées sur une... Un café citoyen, c'est avant tout un lieu convivial. Un café citoyen, c'est pas une conférence. Et c'est un échange, un partage. Ce qui importe le plus, c'est vraiment la participation des citoyens. En écoutant les opinions de chacun, de se faire une idée. Le principe est d'avoir des personnes ressources qui s'expriment sur une courte durée. Et ensuite, un débat est lancé avec les présents dans la salle. On est la définition du mot communication, du mot éthique, déjà. Ça, c'est pas mal. Mais en fait, je voudrais faire un peu le contexte quand même sur le vocabulaire, c'est après on verra ça. C'est important. Donc, c'est quel espace qu'on fait avec Sisi Vidéo et Attack, donc, là, par exemple, je présente Sisi Vidéo et Michel dans le contexte d'Attack. Peut-être qu'on prend de route pour faire un peu comme ça. Mais Jean-Luc, qui est en fait lui, il peut prendre. Moi, j'ai vu casquette. Donc, pourquoi si ce café citoyen, en fait, c'est pour plusieurs raisons. Moi, j'avais en fait un peu interrogé sur cette thématique-là, donc j'avais fait pas mal de recherches. Déjà, je m'étais rendu compte que finalement, pour un sujet qui, sur les forums internet, si vous fouillez, c'est quand même souvent tranché de le débat. C'est-à-dire qu'on dit que, suivant le forum sur lequel vous êtes, suivant l'étiquette politique aussi, ou suivant, suivant un peu le bagage des personnes, c'est toujours tranché quand même. C'est soit oui, la communication est éthique, c'est évident, soit non, elle n'est pas éthique, c'est évident, bordel. Du coup, évidemment, je pense que c'est quand même un problème de base. Voilà, donc je tiens à dire que ce débat-là, ça va pour le coup être vraiment un débat, parce que nous, on n'a pas d'idée arrêtée effectivement sur la chose. En fait, on est déjà très confus. En préparant la chose, je pense qu'on est encore plus confus. Apparemment, on n'est pas tous d'accord sur tous les termes qu'on emploie, déjà. On n'est pas tous d'accord sur où on va aller aujourd'hui. Donc je ne sais pas comment vous essayerez de bordel en dedans. J'espère que vous m'aiderez pour que vous réalisez ma pensée. Et voilà. Ensuite, c'était effectivement un peu historique. Il y avait une page de Wikipédia que je vous invite à lire, que j'ai envie qu'on vous lise tout à l'heure sur l'information. Sur l'information, pas mal. Il y a surtout un passage justement sur l'information et communication qui résume bien un peu le profil commun de ce café citoyen. Notamment sur le fait qu'effectivement, plus on avance dans le temps et dans notre compétence, on va dire technologique, dans la surprésence de la technologie aussi dans les médias, plus on a une confusion claire entre information et communication. Il y a 100 ans, les journaux étaient surprésents, en France, avec une trentaine de pages d'informations dans la médias. Maintenant, progressivement, l'audiovisuel a pris pas, et c'est vrai qu'il y a une surprésence de l'audiovisuel. Et c'est un peu un des axes premiers en fait, que je donnerai sur le café citoyen, de mon côté. Donc moi, je vous ai préparé en fait, une petite base de vidéos qui, moi, me plaisent pour les thématiques, hein, pour chatouiller ou non le regard qu'on peut avoir autour de la communication et de la vidéo. Donc c'est plutôt une pratique audiovisuelle de l'information. Après, il y a des vidéos, on pourra peu s'étendre, mais je pense que c'est déjà assez large en fait, comme sujet. Allez-y, mais cette page, moi, je ne la trouve pas terrible, à part ce passage-là, parce qu'il y a une chose qui est importante dans la communication, qui n'apparaît pas beaucoup dans cet article, mais il y a des gens derrière qui communiquent. Alors, on commence une histoire, je la raconterai à ma façon. On a vécu, je parlerai d'époque préhistorique, on a vu une époque où la parole était dominante, c'était la logosphère, il y avait des gens qui faisaient des grands discours sans moyens techniques, et puis après l'invention de l'agriculture, c'est la graphosphère qui a pris de l'importance, puis est venue la vidéosphère, mais elle a tellement enflé que c'est devenu l'hypersphère, et là, tout ce qu'il y avait auparavant est venu. Dieu merci, ça n'a pas toujours été tout ce qu'il y avait, parce qu'autrement, il y aurait une telle coupure entre générations qu'on se tape sur la chose très facilement. Bon, c'est tout. Alors, puisque c'est l'image qui domine. Non, non, mais je propose un problème de commencer. Peut-être que ce sera intéressant pour chacun, enfin, ceux qui souhaitent. Oui, si vous voulez me dire dans la présentation quel est le mot qui vous a le plus intéressé, pour lequel vous êtes venu rapidement. Ben c'était, je me rappelle plus, c'était communication et c'est pas illusion, mensonge, je ne sais pas. Ça peut pas faire référence. Vous avez une vidéo de communication éthique. D'accord. Éthique. Désinformation. Abstinité par éthique aussi. Vous pouvez l'entendre. On pouvait l'entendre. Les communications éthiques et modes médias alternatifs aussi, il y a une histoire de formation interactive. Alors, juste encore une dernière question. Quand vous dites éthique, rapidement, vous voulez dire quoi? Ça a une relation avec la morale. C'est le premier mot qu'il y a. Est-ce que ce n'est pas déjà contradictoire de parler de communication éthique par rapport à la définition même de communication? Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la communication? Or, on peut mentir en communiquant quand même. Bon, c'est une subjectivité, donc une subjectivité. Ouais. Il faut déjà savoir ce qu'il y a. Après, quelqu'un qui peut le dire avec d'autres mots que ce qu'un des déjà dit. Ça peut être maigre aussi, éthique. Oui, oui. Oh, c'est la dimension humanité. Ça va être mieux. Pas d'autres. Il faut comprendre aussi. Non, mais avant de passer aux images, débarrassez-vous de quelque chose. Non, mais ce que l'on ne sait pas, par exemple, aujourd'hui, c'est qu'on a énormément d'outils de communication, mais qu'on n'a jamais aussi mal communiqué. Bien, alors, oui, c'est ce que je veux dire. C'est le sentiment que j'ai. Quand je regarde les informations à la télévision, je les écoute à la radio, même avec les gens du quartier, on a énormément de mal à communiquer. Je propose la 3 vidéos qui peuvent effectivement un peu avancer cette discussion. Bon, la première, c'est le clip de Macron, je pense que vous connaissez, je vous propose la première. Macron. Oui, il est fort de se mettre en marche. Il est sous-jacent de ce café. Méthode Coué. C'est de vous faire voter pour quelqu'un. Vous allez vous devoir deviner qui est. Alors du coup, je vais peut-être en faire un super appel. Je vais faire passer d'autres vidéos parce qu'elles sont courtes. Et là, pour la prochaine, je vais peut-être un peu mettre de contexte. Ah, pardon. Je vais mettre un peu de contexte. C'est la vidéo de Greenpeace. Parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse aussi pour le débat. Je pense que tout le monde est pas au courant suivant un peu la culture et les envies qu'on a sorties du samedi soir. En fait, elle est basée sur le film Lego, mais plus sur le fait que Greenpeace a cassé le partenariat historique entre Shell et Lego. Et c'est un combat un peu Greenpeace, et donc vous savez qu'ils ont été très bons communicants, justement. Entre quoi? Entre Shell et Greenpeace. Voilà. Shell. Ouais, j'ai un accent du Charentais du Sud, peut-être. Ah. Et en fait, ils ont fait cette vidéo-là quelques mois après, finalement, donc quelques temps après la sortie du film du coup Lego, c'était très attendu, c'était vraiment très couru, c'est un peu anticipé. Excusez-moi, pour parler de Lego, parler des jouets. Des jouets, d'accord. Oui, des jouets, voilà. Non, mais ils en ont fait un film, oui, c'est ça. Ils en ont fait un film, du coup, et en fait, le film est basé un peu sur une critique de la société de consommation en général. En tout cas, on va dire que le leitmotiv, c'est vraiment cette société qui détruit un peu l'imaginaire. Et donc, ils ont créé une musique pour parodier ça, et c'est la musique qu'on va entendre, en fait, qui a été reprise. Tout date à peu près de 2015 et c'est pour dire que tout est communication. Je pense quand même que c'est assez évident que tout passe maintenant par la com, par la vidéo ou le visuel. On a vu les Greenpeace, c'est la politique presque du partage. Quoi. Et en fait, plus c'est viral, effectivement, plus ça domine un peu et plus ils font force, ils ont fait un poids vraiment face à un autre organisme et ça a marché, donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Mais là, on est plutôt dans la communication militante, tu veux dire. On a la communication politique avec Macron. Voilà. Peut-être l'information qu'il faut savoir, parce que le petit journal de la télé, je travaille là, j'ai pas revu la vidéo depuis longtemps. Ils avaient fait un travail un peu de déconstruction de cette vidéo-là en montrant que les images venaient de, je sais pas si c'était un faux exact, mais les images venaient en fait de. Bon, d'ailleurs, c'est des images génériques, beaucoup d'images en fait et des images achetées. notamment des États-Unis. Donc bon, pour valoriser la France, effectivement, on prend des images d'Américains et ça passe. Voilà, c'est vrai quand on parle aussi d'éthique. Quand on sait que beaucoup d'Américains ne savent même pas où se trouve la France. Voilà. Voilà. Et puis il y a Magasin Flux, je pense que c'est intéressant, c'est que voilà, il y a un peu. Alors je ne sais pas si on peut parler effectivement de récupération ou en tout cas d'effet secondaire d'un impact qui du coup apparemment a marché sur la théorie des genres et sur le travail qu'ont fait d'abord les militants en premier lieu, et qui maintenant est un homme publiciste qui, pour vendre effectivement des magazines de jouets, utilise quelque chose de façon assez efficace, hein, parce que la pub en plus elle tourne tellement en boucle que ça te matraque la tête. Et que ça parle bien, voilà. Et que ce langage-là, en fait, c'est ce que je voulais dire aussi, ce langage-là n'est pas naturel. Dans les trois quarts, en tout cas, il y a vraiment quelque chose d'assez construit, de précis, de limité, d'efficace, quoi. Et les magasins U, je trouve très bien en termes de vue. Elle est très bien, en tout cas. C'est vraiment c'est impressionnant, en tout cas, à quel point c'est ficelé, c'est-à-dire que t'as une narration avec cette intro, train principal où il joue, et puis la conclusion, donc, on voit effectivement les effets, en gros, la pensée dans la tête des enfants et la réalité. Et donc on utilise les enfants effectivement qui sont un peu la neutralité et la neutralité absolue, et on a une espèce de lyrisme qui est joué par la musique, quoi, qui devient en fait progressif avec deux phases comme ça énormes, et un final en crescendo qui te fait chialer avec un panneau avec les mots bien choisis pour en gros encore rester dans l'émotion et puis accepter cette espèce d'idée, effectivement. Presque, mais presque, on a presque envie de se dire, mais oui, c'est vrai. Et moi j'ai toujours pensé que c'était les garçons bleus, les filles roses. C'est ma faute en fait. Et je vais prendre le catalogue de lui parce que eux, ils ont raison. Presque ça, pour moi, c'est aussi. Quand t'as rentré dans le magasin U, c'était comment ? Non, il n'y avait pas de secteur fille, de secteur garçon. D'accord. Jacqueline a vérifié. Oui, non, j'ai vérifié. Peut-être que là, les uns les autres, on peut déjà réagir. Ces trois exemples différents de communication, d'ailleurs, est-ce que, à quel niveau elles sont éthiques ? Elles le sont, elles ne le sont pas ? Juste à chaud, c'est peut-être. Ça me fait penser à. Un film qui s'appelle No, qui est un film chilien, qui raconte la campagne qui s'est montée pour le non au référendum qui a provoqué la chute de Pinochet, donc la fin de régime dictatorial. Ça a vraiment été organisé par un publicitaire. Et justement, tu parlais de récupération d'images américaines, machin, dans la pub de Macron. Eux, ils ont fait pareil, ils ont vraiment récupéré les clichés de la publicité pour faire passer un message. Un message de démocratie, quoi. Mais c'était vraiment monté comme une campagne publicitaire. Et alors qu'au début, Pinochet pensait vraiment que c'était une mise en scène et que le référendum, enfin le oui, allait le remporter haut la main, c'est finalement non qu'il a remporté, mais grâce à des publicitaires et vraiment des ficelles utilisées par la publicité. Enfin, les premiers communicants en termes de politique, je pense qu'un des premiers communicants, c'était De Gaulle. Les premiers communicants, c'était De Gaulle en politique. En politique. Je peux me tromper, mais en tout cas, c'est un des premiers qui donnait en tout cas le sentiment de communiquer. Roosevelt était pas mal. Roosevelt, avec ses grands mots au coin du feu, c'était à la radio. C'est et si on reste en France, il y a le calme. Après, peut-être pour De Gaulle, c'est vrai que c'est une notion intéressante dans la communication, c'est l'arrivée de la télévision. Voilà, du coup, du foyer qui diffuse l'envers des gens des images. Si je dis ça, c'est parce que c'est quand il a voulu que les Français combattent et se battre contre les Allemands, il est allé en Angleterre et a communiqué au travers des ondes de la BBC pour pouvoir justement engager les Français à se battre. Mais je veux revenir à notre problème, éthique, communication éthique. Donc la question est posée là, est-ce que c'est. Alors oui, moi je dirais non. Aucune des trois. Aucune des trois. Bah oui, il faut déjà être d'accord sur le terme éthique, on a fait un tour de table tout à l'heure. Ouais, pour moi c'est complètement subjectif. Hein. Donc l'éthique c'est chacun ce qui se la forge, et puis à chaque fois moi j'ai l'impression que les communicants les publicitaires ou autres, ils communiquent selon leur propre éthique. Donc à partir de ce moment-là. Voilà. Moi j'ai pris des notes, hein, donc j'ai dit ensemble de principes oraux qui sont à la base de la conduite de quelqu'un. Hein. Donc là, la communication elle a un but bien précis. Chacune d'elles a un but bien précis. C'est pas une communication ce soir. Vous pourriez avoir une communication à nous faire sur la tenue d'un une soirée théâtre ou un point d'attrait. Et après, on, avec le sujet, on va voir la pièce et après on se fait son idée. On ne débat pas sur... Enfin, là j'ai l'impression que compte tenu qu'il y a quelque chose de bien défini dans chaque vidéo, à mon avis, il ne peut pas y avoir d'éthique. C'est, le... enfin, c'est pas la mienne. Enfin, je... Il y a quand même le clip sur, de Greenpeace qui nous fait réfléchir sur notre besoin de consommer et de produire du pétrole, y compris dans l'Arctique. Ça ne fait pas réfléchir, moi, je trouve. Ça, ça... Non, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas un article, il n'y a pas des idées. C'est juste des images, de la musique. Des... Pour moi, ça joue plus sur... Et on va plus avec parce que ça va dans l'opinion qu'on a déjà qu'on s'est construite, mais pour moi ça reste de la manipulation. Malgré le fait qu'on est d'accord, c'est. Moi ça me fait penser plutôt à ce qu'on appelait la propagande. Le truc de Macron, si on ne savait pas que c'était Macron, en soi, il n'y a pas. Le truc du super-U, c'est un super message. À la fin, dès qu'on voit un super-U, ah merde, c'était utilisé pour du commerce. Tu vois. Mais tout n'est pas lui. Et finalement, dans de la communication, enfin, je suis d'accord avec ce que dit Marion, ça renvoie à notre éthique. Chacun, on a nos valeurs. Ce que je trouve pas éthique, c'est effectivement de manipuler les gens. Ceci dit, moi, je suis pas contre d'utiliser des moyens de communication pour faire passer mes valeurs. Je sais pas. Ici, à la MPP, pendant 20 ans, on disait, oh, la ligne, on n'avait pas de machin, comment on appelle ça, non, pas des lignes éditoriales, pour la communication, les chartes graphiques, voilà, merci. Chartes graphiques, oh, la charte graphique, à quoi ça sert, on est des militants, etc. Et moi, je suis très content qu'aujourd'hui, on ait une charte graphique, parce qu'on se fait repérer, etc. Donc, il faut pas, moi, je ne crache pas là-dessus. Il y a une amie qui vient d'Espagne aussi. Je trouve qu'aucune publicité peut être éthique du moment où il essaie de nous imposer à leur éthique et à une pensée unique. Même si c'est une pensée différente, ils essaient de nous convaincre de leur éthique. En même temps, elles le sont toutes parce qu'elles signent la fin. Pour qui elles ont fait ce message. C'est la seule trop pensée. Limite, elles sont éthiques. C'est la seule pensée qui vaut et je trouve ça très hypocrite. Vous avez Jean-Luc aussi sur le super russe, parce que du coup on a eu un débat aussi là-dessus. C'est ça que je suis pas convaincu. Au premier abord, pour moi c'est tout de la récupération. Mais c'est vrai que vous avez Marion aussi, toute une question éthique, c'est très subjectif et finalement peut-être que les mecs du super russe sont convaincus de. À un certain niveau, leur problème. Mais ce n'est pas négatif, c'est la c'est nous qui jugeons parce qu'on pense qu'il y a récupération. Mais en réalité, il y a des messages qui sont très intéressants là-dedans. Oui, mais c'est pareil. Pas négatif. C'est pour ça qu'on peut se l'approprier. Il ne faudrait pas qu'il y ait de signature à ce moment-là. Ah, ben oui, mais de quel droit on interdirait à des gens qui font des business de mettre des signatures? Je relève simplement le question éthique, ça ne va pas ensemble. La communication, en fait, c'est un moyen de faire passer un message. Il faut un émetteur, il faut un récepteur. Donc, c'est le message qu'on peut trouver éthique ou pas en fonction de sa, voilà, ses convictions, ses valeurs, etc. Mais la communication, bon, c'est un outil. En fait. Alors, elle peut être éthique par rapport aux moyens qu'on emploie. Parce qu'effectivement, si on ne signe pas, ça peut être de la manipulation et c'est pas une communication assumée. Donc, effectivement, là, on peut être dans une communication qui n'est pas éthique parce qu'elle n'est pas assumée, éventuellement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense vraiment que sur la forme est presque. Ça, c'est mon point de vue, en fait. Mais c'est ce que j'aime bien souvent. Pour moi, la forme est beaucoup plus importante que le fond. C'est-à-dire que finalement, le fond pourrait être plus ou moins éthique. La forme qu'on emploie va construire le message, en réalité. Enfin, c'est un peu le sentiment que j'ai et ce que je disais un peu pour Super U, finalement. Évidemment, c'est un peu le truc, mais la construction de Super U, en fait, elle est. Après, que ce soit pas éthique, c'est vrai que la forme soit pas éthique, on peut après ne pas en juger forcément parce qu'on se dit qu'il y a une certaine limite. Ça devient un espace de création, on va dire. Ouais. Et on dit qu'il y a un espace de technicien, finalement. C'est carrément du technicien qui est derrière, un monteur, un musicien, etc. Ouais. Mais en même temps, cette forme-là, c'est un langage qui a été créé. Et ce langage-là, il a un but unique, c'est beaucoup plus de la propagande, effectivement, ou de cette forme d'hypocrisie qui est de s'immiscer dans la tête du spectateur pour bloquer finalement pour créer effectivement une pensée unique et donner un seul message possible. Mais du coup, la forme, de, le mode de communication devient un message en lui-même. Il y a le message, le contenu, mais la forme de la communication est aussi un message. Je me souviens de ces propagandes avec les images plus ou moins subliminales. Voilà, et effectivement, là, on était dans la manipulation aussi. Donc la forme choisie par la communication, effectivement, peut être aussi un moyen de... Parce que la communication, c'est pas aussi le nombre de fois où un message passe. Et cette force, ce prix qui fait qu'il n'y a que certaines idées qui passent. Que, je ne sais pas comment dire. Vous parliez tout à l'heure du nombre de journaux qu'il y avait dans les années 1900, et c'est vrai qu'il y avait énormément de points de vue. Et chacun prenait son point de vue. Chaque point de vue avait sa propre idée. Bon, mais chacun avait la possibilité de le prendre. À l'heure actuelle, quand tu regardes la télévision, toutes les chaînes de télévision appartiennent à des personnes qui sont dans le même milieu. Hein, donc toutes les informations retombent exactement. Alors c'est vrai que par Internet, on peut avoir tout un tas d'informations, mais qui sont il faut vraiment aller les chercher très très loin. C'est difficile à trouver. La masse n'entend qu'une seule force, qu'une seule idée. Et ça, c'est là où ça devient de la propagande. C'est parce qu'eux, ils ont cette force économique qui permet de faire passer cette idée Macron qui va repasser 10 fois, 20 fois. Après, que les personnes aiment Macron, pas Macron, je m'en fiche. Le problème, c'est que c'est Macron qu'on va entendre. Sur ce problème que Mme disait qu'il y avait un intérêt de médias alternatifs par rapport à ces journées-là. Enfin, je ne crois pas que ça ait été cité vraiment. Je pense que c'est plutôt la lecture entre les lignes des médias alternatifs. Je n'entends pas. Pourquoi pas ? Parce qu'effectivement, là, ce que tu dis, c'est le monopole, effectivement, mais aussi d'un moment donné, de l'Ouest. C'est une grosse différence. En 90 ans, c'est une énorme différence, quand même. Et effectivement, maintenant, il y a un enjeu des médias alternatifs, on va dire, pour la démocratie. C'est ce que disent beaucoup des gens qui dirigent les médias alternatifs. Oui. On a aussi le choix d'éteindre la télé ou de ne pas avoir la télé. Moi, il y a quand même quelque chose qui me prend au trip, c'est qu'en fait, malgré le fait que ça va contre nos convictions, ben, quand on voit la pub, on dit ouais, allez, on marche, on va tous avec Macron, quoi. C'est vraiment, on a envie d'y être, quoi. La communication éthique, ça passe pas. C'est que émotionnellement, je vais sentir quelque chose qui est contre mes idées. C'est que émotionnellement, j'ai envie d'aller avec Macron. Il ne faut pas penser qu'on est toujours des êtres rationnels qui arrivent vraiment à brosser nos idées, à juger, parce que non, on a quand même une grosse part du cerveau qui est animal et qui réagit aux instincts, aux émotions. Et là, on sait que. Enfin, là, ça se. Enfin, déjà, mais on voit qu'ils connaissent toutes les ficelles, il y a des recherches qui ont été faites, voilà, tous les trucs, ils le savent bien, les publicitaires, comment ça marche le cerveau, et ils arrivent à l'exploiter, et voilà, on voit des gens qui sourient, on voit des images positives, et voilà, quoi, tout de suite, on est avec Macron, quoi. On a beaucoup de généralités. Dans les écoles de communication, qui sont pratiquement les mêmes que les écoles de journalisme, il y a comment dire, des formations sur l'attitude, la gestuelle, les mimiques et tout ça, donc c'est vraiment un art, de communiquer, quoi. Donc, encore une fois de plus, l'éthique, bon, chacun se la fait, d'accord, mais quand même, point d'interrogation, quoi. Pourquoi Macron, il passe, parce qu'il parle d'une base idéologique qui est communément acceptée, c'est liberté et fatalité, il parle de l'église française, c'est incombattable. Finalement, ça s'impose à tous, je veux dire, donc il parle de cette a priori-là, de cette base-là. Il y a quand même un soubassement idéologique qui est difficilement contestable. Ça n'a rien à faire avec des mises en scène qui soient bien faites. Il est assez neutralisé, là. Il ne propose aucun. La première image, il met en classe, en cause des privilèges de classe. Oui. Oui. Vous ne pouvez pas dire autrement. Hein. Donc il est catalogué comme un homme relativement modéré, centriste, etc. Mais première image. Il est en cause des privilèges de classe. Oui, bon, en plus, il arrive dans un moment très opportun. On a parlé beaucoup de lui, mais il va y avoir une application, je ne sais pas si elle est sortie Une fois qu'on a vu l'application, il y a trois solutions. Hein. Je crois qu'il propose trois solutions. J'adhère directement, c'est gratuit. On est tenu au courant, mais il faut laisser ses coordonnées. Deuxième solution, je marche. Au premier degré. Hein. Il suffit de laisser sa coordonnée ou je reste sans rien faire. Merci. Et juste en voyant ce qu'il dit tout à l'heure, quand je parlais de l'image audiovisuelle, c'est vrai qu'il y a une notion en fait aussi qui est un peu pas pris en compte, qui a été étudiée pourtant de façon vraiment universitaire, sur ce qu'on appelle un peu le langage officiel du cinéma américain, qui est en fait le même langage qu'utilise dans les pubs, et ce qu'on voit là, effectivement, aussi bien pour des gens comme Greenpeace que d'autres gens, et en fait le langage qu'on utilise presque tous maintenant instinctivement, puisqu'on est baigné là-dedans, c'est quelque chose qui s'est construit. Effectivement, pendant de longues dates, qui s'est basé sur l'efficacité de ce langage-là. Si nos codes éthiques, effectivement, sont ceux de la critique de la manipulation, on sait qu'à partir du moment où on crée un langage comme ça, on manipule. C'est le propre nom du langage. Donc il y a une espèce de tension, peut-être, qui naît. Est-ce qu'il y a un débat à partir de vidéos qu'on a vues ? D'ailleurs, on se situe comme spectateur, mais le problème, c'est que. Je te manipule. Nous-mêmes moi j'étais prof, qu'est-ce que je fais devant une classe? Je cherche des moyens de communication. Je cherche. Et on est quand même souvent dans un. Quand on est dans le. Se convaincre. Moi j'étais militant politique, je me souviens, quand on fait une affiche, quand on fait un document électoral, on est en train de chercher comment. On ne va pas dire comment on va manipuler les gens, mais... Non, mais le mot juste, celui qui va faire réagir... Et alors, moi, je me suis amusé une fois à faire un truc complètement décalé. Je me souviens, j'ai fait une campagne électorale, et on avait fait un questionnaire. On avait dit les gens, si vous pensez ça, vous mettez oui, si vous pensez ça, vous mettez non. Et à la fin, on comptait les oui et les non, et on mettait, si vous avez tant de non, ne votez pas pour moi. Enfin, bon, mais c'est vachement sympa, c'est éthique, tu vois, mais... Le résultat, je ne vous dis pas. Tout ça paraît davantage une manipulation, c'est parce que c'est un film. La communication, normalement, il y a un émetteur et un récepteur, et normalement, c'est réciproque. Il y a un échange. Oui, or là, on subit. C'est ça qui est dommageable. Parce qu'on subit, et tout à l'heure, Yann disait aussi, le matraquage fait aussi que, par exemple, pour ce matraquage-là nous empêche quand même d'apporter des réponses. Quand on ne peut pas apporter des réponses, et d'avoir l'esprit libre, quoi. En termes de publicité, il ne peut pas y avoir d'éthique. De toute façon, ce n'est pas possible. Hein? La seule éthique, c'est de ne pas vendre un truc pourri si c'est pourri. Hein? Mais on peut quand même donner le côté positif de la chose. Mais puisqu'on est dans une société de consommation, on est bien obligé de trouver les bons trucs pour faire passer ce qu'on a envie de faire passer. Il n'y a pas... Hein, c'est comme dans un cours, effectivement. C'est pas de la communication. Il faut persuader. C'est pas de la communication. Mais si c'est de la communication, communiquer, c'est émettre quelque chose et on sait qu'il y aura un récepteur de l'autre côté. Ça passe ou ça passe pas, mais c'est ça, communiquer. C'est la loi du plus fort, hein, en plus. Ce que je voulais dire, c'est par rapport à la pub... des magasins U. Pour moi, c'était de la pub, comme n'importe quelle autre pub. Et cette pub-là, j'y adhère totalement. Donc j'ai fait toutes mes courses à Super U. Et puis, je le regrettais pas du tout. Parce que je me suis dit, pour une fois, quel message me convient sur les jouets, parce qu'à Noël, il n'y a rien qui me convient. À la fête des mères, il n'y a rien qui me convient. À la fête des pères non plus. Je me disais, tiens, c'est différent et ça me va. Mais je l'ai vu comme de la pub. En fait, le résultat, c'est qu'ils ont moins vendu que d'habitude. Mais oui, absolument. C'est une pub qui a été énormément critiquée. De toute façon, nous, quand on a envie de faire passer un message, on va, enfin, c'est ce que tu disais, on va aussi utiliser le maximum de chances de bien le faire passer, ce message. À partir du moment où on sait pourquoi on le fait, où ceux qui nous regardent savent effectivement que si on fait ce message, c'est parce que derrière on défend des idées, qu'on le fasse le mieux possible. Moi je pense à quelque chose qui m'énerve depuis 25 ans, c'est le Puy du Fou. Et puis du foot, tout le monde, surtout quand ça a démarré, on était tous, sauf les gens du coin, puisque moi je suis du coin, ce spectacle, c'était absolument extraordinaire. C'est vrai qu'il était extraordinaire. Et par contre, le message qu'il faisait passer était absolument horrible. Oui. Et moi, je me disais, mais quand est-ce que quelqu'un de nous va faire le même spectacle pour mettre en avant la Révolution, la République et tout, tu vois? Moi, je distingue une communication honnête et une communication éthique. Une communication honnête, c'est une communication qui ne se cache pas, qui assume. Par contre, pour moi, une communication, ça c'est une interaction entre l'émetteur et le récepteur. Qu'on veuille ou non, quand on regarde si on regarde la télé, on a une réaction, on n'est pas complètement passif. Quand on regarde, forcément, ça nous parle, on peut le rejeter, on peut, etc. Mais le problème, c'est que ce n'est pas une communication à double sens. Ce n'est pas assumé, il y en a un qui te parle, et toi, tu subis. Moi, je ne sais pas, par exemple, moi, un exemple de communication assumée, c'est quand je suis allé à la ferme de Malvielle, il y a un documentaire sur les pesticides, après on fait un débat mouvant. Les gens ont vu quelque chose, et ensuite, ils expriment des points de vue. On s'aperçoit d'ailleurs que les points de vue, c'est compliqué d'avoir un point de vue arrêté parce que tout n'est pas blanc, tout n'est pas arrêté. On change de point de vue, etc. Là, c'est vraiment de la communication éthique parce qu'on a reçu un message, on peut s'exprimer sur ce message, on échange avec des gens qui sont pour. Là, l'acte est complet, quoi. C'est important à rajouter là aussi, c'est que j'imagine que la réalisatrice du documentaire était là aussi. Et elle était là, voilà. Donc là, mais une communication à sens unique, elle ne peut pas être. Oui, mais du coup, est-ce que c'est une communication ça, ou est-ce que c'est un débat, une conversation? Je vais vous montrer quelques extraits plutôt sur. En fait, on s'est dit aussi ce qui est intéressant, c'est de faire un peu, là, c'est la dernière grosse phase, on va dire, de l'extrait. On peut passer rapidement, de toute façon, sur la plupart, le premier est très court. En fait, l'idée, c'est aussi de vous montrer ce qui marche, du coup, et plutôt sur le côté internet, parce que je pense que comme ça fait un peu aussi un premier niveau. Bien évidemment, c'est moi qui ai choisi les extraits, j'essaie d'être honnête. Moi qui suis extrait, donc c'est déjà filtré un peu, donc là je vous propose de mettre la censurée. Oui, en plus, parce qu'il me propose des trucs vraiment. Là, je vous propose d'autres noms, dont certains j'espère vont vous faire très bien. C'est quoi ? Non, pas du tout. Tata, ça veut dire. Transatlantic Free Grand Agreement. Je ne comprends pas l'espagnol. Voilà, pardon, je coupe. Donc vous avez vu, effectivement, c'est. Un youtubeur, une personne qui vraiment publie des vidéos régulièrement, constamment sur YouTube, et qui lui est quand même spécialisé plutôt sur les thématiques politiques avec une consonance un peu de gauche. Je vous montre une autre personne là, parce que je pense que c'est important quand même que je vous montre aussi cette personne là pour pas qu'on me dise que je fais du sponsoring pour des gens plutôt centristes, mais vous avez le droit de. Votez pour qui vous voulez. Bonjour, vous allez assister au premier épisode d'une émission sur la chaîne YouTube, présentée sur ma page Facebook, sur mon blog et mon site. En ce qui marche, il y a trois grandes catégories. En fait, moi j'en ai celle trois. Après, s'il y a des avis contraires, je suis vraiment preneur. J'en ai dessiné trois, c'est vraiment ce qui marche beaucoup. Particulier sur internet, c'est l'humour qu'on a avec la barbe qui cartonne beaucoup et qui est très partagé. Lui, je l'ai montré quand même parce que l'air de rien, il cartonne aussi pas mal et ça tourne aussi pour les vidéos YouTube, je trouve ça chouette. Ouais, voilà, ça fonctionne. Il y a tout ce qui est polémique, ça je vous rassure, je vais passer un peu dessus, c'est-à-dire tout ce qui est surtout sur les théories du complot, conspirationnisme, etc. Je suis très Soral évidemment. Et tout ce qui est polémique à un niveau un peu plus nuancé, comme Étienne Chouard aussi, qui marche beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que ces personnages-là, c'est pas forcément de regarder des vidéos, mais c'est juste de savoir un peu comment ça fonctionne. Parce que moi, en fait, je ne suis pas spécialiste vraiment des deux bonhommes, mais j'ai remarqué que les deux, et pas que lui, hein, pas que deux, il y a pour ça plusieurs têtes, un peu des stars un peu de la polémique, qui en fait ont. Finalement, ils n'ont même pas besoin de médias pour construire des médias, je veux dire. Parce que là, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, l'idée, c'est qu'il construit quelque chose de lui-même, le mec de la barbe qu'on a vu avant, c'est pareil. Il y a plein de gens en fait, qui construisent un discours comme ça, et ils font vraiment des vidéos, c'est-à-dire qu'ils mettent en place des moyens, c'est un travail énorme. Et en fait, les mecs comme Étienne Chouard ou Soral, ils n'ont pas besoin de grand-chose, parce qu'en fait, il y a toujours des gens pour les interviewer, toujours des gens pour les impliquer dans un moment donné dans un truc, et ça fait toujours soi-disant un buzz, il y a toujours une notion de, je sais pas, de clash. Je vous montre rapidement aussi, c'est juste pour qu'on ait aussi ça en tête, là c'est le média Télévé Liberté qui a une petite page vraiment bien fichue avec un logo qui reflète étrangement quelque chose d'autre. Bonjour Jean-Yves. Je vous laisserai continuer à regarder ça chez vous, parce que je pense que c'est vraiment intéressant. L'idée principale, c'était plus de voir un peu le journal. En fait, là, ce qui m'intéressait, c'est plus de montrer une organisation médiatique qui est très proche quand même de TF1, qui est très proche, dans le sens, leur idée, je pense, hein, c'est, enfin, moi, c'est ce que je reçois comme info, c'est ce que Jean-Luc Sim disait, c'est une construction médiatique qui est en fait plutôt une démonstration de force à ce moment-là. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on disait qu'il y a des médias, Yann disait, des médias qui sont finalement la propriété de quelques personnes avec un discours, avec une pensée politique, étonnamment beaucoup libérale, effectivement. Donc, et eux, avec ce média-là, ils ont effectivement, ils proposent un travail qui est l'équivalent d'un média de TF1, avec une pensée effectivement voilà, plus comme valeur. Et c'est, je pense que c'est quand même un peu une démonstration de force, avec un habillage pareil, avec un langage identique, avec un JT qui est vraiment pareil. Pour eux, en fait, c'est le décryptage de l'info, avec ça, on entend souvent parler, on sait tous, quoi, qu'il y a quand même beaucoup dans l'extrême droite, effectivement, la notion qu'on nous désinforme régulièrement à la télé, qu'il faut réinformer les gens. Puis, voilà, l'humour, la polémique, et il y a effectivement aussi le côté viral, le côté vidéo viral, et ça, c'est plus la propagande. En tout, j'utilise ce terme-là, l'extrême droite, ce qui était très bien, parce que, évidemment, il y a une notion quand même là, pour le coup, on parle de communication éthique, on en est un peu loin. Je voulais montrer une petite vidéo, alors bon, je suis vraiment désolé si c'est très, comment dire, si c'est très évident, mais je préfère la montrer au cas où. C'est pas 24, je fais ça aussi. Mais les réseaux sociaux sont en ce moment surchargés de vidéos qui montrent le péril harassant et bien sûr dangereux de ces milliers de migrants qui tentent actuellement de se rendre en Europe. Du coup, il y a pas mal d'infos en fait, c'est... Là, ce qui est intéressant justement, sur l'aspect viral, c'est le côté aussi d'autres formes de communication. Enfin, on utilise effectivement, on emprunte d'autres vidéos, mais le titre est extrêmement important. Et ça, c'est vrai. Je pense que y a un type, effectivement, pas très loin de nous, là, qui a fait une vidéo comme ça, YouTube nul, et puis juste en changeant le titre, en mettant ce que les gens veulent, il y a eu plein de clics. Et c'est pareil un peu ici, quoi. Que, voilà, tu mets un titre choquant, et ça fait c'est un peu la politique du titre, quoi. C'est un peu que tu n'es plus, effectivement, à donner une information vraiment concrète, développer des idées, etc. Tu as juste besoin de mettre quelque chose de court, comme ça, d'instantané, en fait, finalement, on parlait avant du langage un peu plus complexe, des publicités, etc. On n'a même plus besoin de ça, finalement. Ça, c'est quand même un premier point assez important. Il y a un site qui s'appelle TV Réinformation, je ne sais pas comment il est arrivé sur mon ordinateur, c'est un truc de droite, mais, alors, TV Réinformation. Il y a d'autres sites aussi comme Hoax ou des choses comme ça qui sont là pour un peu apporter aussi de la science. Une certaine fois, on a une spécialité, c'est d'extraire une phrase d'un texte, d'une intervention quelle que soit, puis de nous faire dire exactement le contraire de ce qu'on veut dire à la personne qui est intervenue. Ça, c'est encore plus compliqué parce que justement, il s'agit d'un poison. Et du coup, ça demande un travail de recherche pour décortiquer la chose, parce que beaucoup de gens ne font pas. Petit point culture ? Non, enfin, oui. Je vais l'abandonner sur la culture. La culture, je dirais que la désinformation est un phénomène historique. Le mot désinformation est apparu en 1953 dans un dictionnaire soviétique et ne sera admis à l'Académie française qu'en 1980. Son premier avatar, bien sûr, dépend de la guerre froide. Pour moi, la désinformation repose sur la fabrication d'un faux message, puis sa diffusion de façon qui semble neutre et dans un but stratégique. Les youtubeurs qui font des choses sur la zététique, sur l'esprit critique, donc voilà, qui essaient d'enseigner aux gens un petit peu comment traiter l'information. Il y a notamment une vidéo, c'est vraiment un tutoriel de comment vérifier que ton information, si on dit c'est de la merde ou pas, et prend des exemples, voilà, des articles, tout ce qui est des articles un peu ésotériques, genre on a trouvé des squelettes de géants, et là il dit bah, vous pouvez parapluser, alors on prend l'image, on fait une recherche Google, on remonte dans l'historique, on voit que ça a été posté sur plusieurs sites avec articles différents, qui donnent des liens différents, et il donne vraiment de la méthodologie pour avoir des sources critiques, pour vérifier son information. En disant aussi des conseils vraiment simples qui disent bah, quand c'est à chaud, vous ne réagissez pas. Et moi, depuis que je l'ai entendu, je vérifie que ces conseils, c'est vrai, quoi. Avec toutes les histoires de violence entre manifestants et flics, alors voilà, on voit un SDF qui est contrôlé avec des prothèses, ah, c'est terrible. Et puis deux jours après, mais en fait, une autre vidéo, bah voilà, premier conseil, ne pas réagir à chaud, quoi. Quand un truc a l'air extraordinaire, ne le croyez pas. La position neutre, c'est la position la plus raisonnable en l'absence vraiment d'informations. L'histoire de la personne avec sa prothèse, elle nous a arrivé en plus en nous demandant de signer la pétition. C'était quoi cette histoire ? C'est quelqu'un qui avait été tabassé par les flics dans une gare de Paris, qui avait une prothèse et les flics le laissaient avec sa prothèse enlevée. Hein. C'était, on voyait la prothèse. Moi, la première, devant un tel truc, que tu as envie de signer la pétition. Et après, je me suis dit, mais c'est pas possible, hein, c'est pas possible. Mais n'empêche qu'il y avait déjà beaucoup, beaucoup de signatures, et que c'était parce que c'était trop gros, enfin, mais c'était effectivement pas fait, c'était un montage, quoi. Non, en fait, enfin, deux, trois jours après, il y a une vidéo qui est sortie de surveillance qui avait un point de vue plus oui. long. Oui. Plus l'arbre cadre, et qui montrait qu'en fait au départ qui a été interpellé alors qu'il était en train d'uriner sur les poubelles. Donc voilà, les flics l'interpellent, et c'est ensuite c'est lui qui retire ses prothèses et puis qui commence à gueuler, comme qui le filme en mode regardez, on a contrôlé, ils lui ont fait enlever ses prothèses pour le contrôleur. En fait, ils ont juste verbalisé un gars qui avait pissé sur les poubelles. Et voilà, il suffit d'attendre deux jours et froid, tu vois. La question pour les générations à venir, c'est donc le choix du modèle. D'information et comment contrôler avoir du poids pour que une majorité de citoyens ne soient pas désinformés. Parce que c'est bien ce que tu dis, effectivement, et tant mieux si on peut contrôler comme ça et prendre le temps et apprendre à comment capter la bonne information. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Non, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, dans le cerveau, quand même, ça, moi, peut-être le premier, ça me chamboule un petit peu. Quoi. Par contre, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, comme tu disais. Enfin, à l'heure actuelle, si on fait un constat, en cherchant un peu sur Internet, et même en essayant un peu de recueillir le maximum d'informations sur YouTube, de toute manière, il y a quand même, à l'heure actuelle, quand même un 50-50. C'est-à-dire qu'il y a effectivement beaucoup de désinformations avec beaucoup de vidéos virales, des choses un peu stupides, et d'ailleurs beaucoup d'extrême droite, c'est-à-dire qu'il y a un discours, comme je disais tout à l'heure, un discours très court, très succinct en fait, qui est quand même associé à une pensée d'extrême droite. Et inversement, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a des discours très longs, qui sont très partagés, des choses très constructives, et qui sont vus aussi par beaucoup de gens, et énormément de gens, presque autant en fait que les choses générales. Ça pose aussi la question de l'éducation à l'image et aux médias. Et là, c'est la documentaliste en lycée qui parle. Et l'éducation nationale a un retard, mais énorme. Nous, voilà, en tant que d'or, on est un peu les seuls à essayer toujours de remettre ça, essayer d'insuffler ça dans les programmes. Et c'est très compliqué. Et il n'y a pas assez d'éducation aux médias depuis l'école primaire, au collège, au lycée, parce que déjà, les profs eux-mêmes sont très mal formés. Enfin, déjà, il n'y a pas de formation, pratiquement pour les profs. Mais voilà, alors que c'est un outil qui est tellement utilisé effectivement par les jeunes générations, et du coup, heureusement que d'eux-mêmes, ils trouvent un certain nombre d'outils, du coup, là, on est plus dans l'éducation populaire, mais pas tous. Et pendant qu'il y en a une certaine partie qui va effectivement aller se renseigner et trouver les bonnes vidéos, entre guillemets, les autres vont se faire avoir, et c'est terrible. Oui, mais une communication de se faire à faire. Oui, mais du coup, voilà, l'école a vraiment énormément de retard dans l'éducation médias, l'éducation... Alors, excusez-moi, je me suis beaucoup intéressé à ça. Qui est en retard dans cette histoire-là? Est-ce que c'est l'éducation nationale ou par exemple du ministère? C'est vrai, vous allez voir une nouvelle casquette que... Non, mais ils ont mis en place un service qui s'appelle le CLEMI, qui a produit énormément de choses, et qui est extrêmement performant, et qui est d'ailleurs... reconnu à l'étranger, parce que ça, c'est une question qui est transversale dans tous les pays, au moins, enfin, pays européens et même en Amérique du Sud. Bon. Les outils sont très bien faits, ils existent et ils sont très accessibles parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a des agents, parce que dans chaque académie, il y a un personnel rattaché directement au secrétariat du recteur qui fait la coordination et donc. Dans chaque département, enfin, chaque département d'une académie, il y a des correspondants. Ce qui a été mis en place est absolument carré. Le Clémy a 30 ans, parce qu'il y a deux ans, il a fêté ses 30 ans. Mais c'est ce que je te disais, à part les documentalistes qui travaillent avec le Clémy, mais si on fait de la résistance au sein des établissements, tu as très peu de profs disciplinaires, tu en as quelques-uns, mais tu en as très peu qui sont convaincus. Voilà. C'est les profs. Ben, bien sûr. En réalité, il y a un rapport de l'inspection générale qui dit que 86. Attends, mais je dis simplement, qui dit, voilà, l'éducation à l'image, dans le monde de l'éducation, ça reste un engagement militant. Moi, on ne peut pas être citoyen si on n'a pas des notions de psychologie, c'est quoi, des biais cognitifs, en quoi on n'est pas des êtres rationnels, en quoi. Comment notre partie animale va biaiser notre façon de réfléchir, on ne peut pas être un citoyen vraiment accompli dans une société qui essaie de nous manipuler de toutes les manières pour acheter ci, pour adhérer à ça. Et voilà, donc des notions de psychologie, de manipulation d'image, et c'est vraiment, là, c'est vraiment l'école, elle a complètement raté le coche, et je n'ai pas l'impression que... qu'elle va de toutes ses forces pour... Mais les enseignants ne sont pas du tout formés à ça. Ouais. Enfin, déjà, la formation, c'est peanuts, hein, elle est réduite pour chacun, mais ce n'est pas du tout un objet d'apprentissage. Ouais. Voilà. Tout ce qui est enjeu de la société, du numérique, ça devrait être une matière à part entière, effectivement. L'atelier recherche de l'information, ça devrait être vraiment être un module, quoi, qu'on apprenne à tous les étudiants à rechercher de l'information, qu'on leur dise à un moment, genre, si vous êtes sur les réseaux sociaux, une information que vous n'avez pas vérifiée, vous ne la partagez pas, parce que ça se répand comme des traînées de poudre, on a trouvé des géants, ah là là, machin, et un enfant a trouvé une nouvelle cité Maya, tout ça. Avant qu'on prouve une information, on ne la partage pas, c'est de l'hygiène mentale, quoi. C'est quand même très singulier sur cette histoire-là, c'est que de nous, on a réformé un peu l'enseignement de l'histoire, ça devait une histoire thématique. On se pose la question de comment on fait l'histoire et comment on vérifie les sources. Voilà. C'est-à-dire qu'on travaille sur le document, et donc on critique le document. Donc en fait, on devrait être habilité, parce qu'on apprend là les ficelles de comment, quelles sont les questions qu'il faut se poser. Donc les élèves, je pense dès la seconde, sont familiarisés à ça. Comment se fait-il que, justement, avec ces quelques rudiments techniques, mais qui sont quand même assez efficaces, on ne sache pas mieux décrypter tout ce qui peut être véhiculé sur Internet. Ça, c'est quand même curieux. On parle des alternatives, donc je fais un peu aussi une page de pub pour les coordinations de membres des médias libres. C'est un site qui a été refait il n'y a pas longtemps, donc medialibre.org, vous tapez CPML, coordination permanente des médias libres. Ça réunit, c'est un regroupement de plus d'une soixantaine de médias qui sont étiquetés un peu médias libres. Vous avez Reporter, Bastanal, que vous connaissez, là, je peux faire, évident. Fakir, un peu. Plus ou moins 2 ans, on ne sait pas trop. Ils sont trop, ils manquent un peu de financement, mettons, ils ont un peu plus de coffre, ils ne savent pas trop en fait ce qu'il y a dedans. Ils doutent un peu, mais ça n'empêche pas que Fakir soit très bon. Et puis voilà, et d'autres. Il n'y a pas résonance là-dedans ? Si, il y a résonance aussi dedans. Mais pour une com efficace sur Luc, il ne faut pas le citer. Non, comme ça, la manipulation. Je viens de la campagne, j'ai gardé mes sabots. Voilà, non, en tout cas je vous y invite parce que du coup c'est un bon regroupement sur le national avec différentes identités. Donc voilà, et je crois que c'est tout. Est-ce que au niveau des questions, les gens peut-être sont venus aussi avec des questions, avec des envies aussi de partager des choses qu'on n'a pas eu tout abordé, je ne sais pas si c'est le cas. Enfin, si c'est le cas, c'est peut-être le moment. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir une chaîne indépendante qui passe sur les canaux sur la télé classique? Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça en fait? Il y a une autre autorité effectivement en France qui s'appelle, c'est assez spécifique à la France. J'en discutais je crois avec un collègue, là on en parlait effectivement parce que nous on pensait à ne serait-ce que on parle d'information, mais ne serait-ce que la liberté artistique audiovisuelle. En fait on s'est rendu compte qu'elle est très censurée en France, il y a une culture française qui est dramatique de plus en plus, qui s'effondre complètement, et en fait en même temps il y a une tradition comme ça, une censure au niveau de l'État qui s'applique. Hein. Le CSA en est en grande partie responsable, effectivement, c'est-à-dire qu'il choisit qui a le droit ou non d'avoir un canal. Et là, la propriété de façon de tous les canaux, avec l'ouverture numérique du TNT certifié, c'est-à-dire que là où l'ouverture de la TNT pouvait permettre effectivement à des canaux de devenir associatifs, ou mutualiser des canaux pour effectivement une alternative à un moment donné, ça a été au contraire donné en cadeau aux mêmes gens qui avaient déjà des grandes chaînes de télé, donc ils n'avaient pas besoin en fait, et qui s'en sont servis maintenant pour faire des fonds de tiroir en plus, donc c'est quand même une arnaque totale. Effectivement, et ça c'est vrai que c'est un droit normalement qu'on a, les canaux, et maintenant c'est un droit en cirque, normalement on devrait se les rapproprier. Effectivement, c'est un enjeu politique assez intéressant. Mais l'opposition, elle est tellement forte en face, Et beaucoup ont essayé, mais... C'est le gouvernement qui nomme ceux qui sont à la tête du CSA. Oui, c'est ça, c'est le président, qui nomme le directeur du CSA. Il y a un exemple qui est d'actualité sur Marseille, où à travers l'ouverture des canaux de TNT, il y a aussi des petits opérateurs, parce que c'est local, il y a un petit opérateur qui va sûrement avoir un des canaux de la TNT sur Marseille. Mais finalement, il ne sait pas trop comment il va alimenter ça, donc il a un peu ouvert son canal à ceux qui peuvent le fournir en programme. Et donc, il y a des structures un peu alternatives, et sur Marseille, il y en a un certain nombre, et justement, comme on est un petit peu rassemblés au sein d'une fédération, ça va être discuté, mais voilà, le fait d'ouvrir la possibilité, parce qu'il faut occuper l'antenne, c'est long, et produire des programmes, c'est compliqué, c'est coûteux, ça prend du temps. Donc, ça, c'est une opportunité. Est-ce que ça va vraiment déboucher sur quelque chose de concret? Ça dépend. En tout cas, c'est à l'ordre du jour depuis 3-4 jours. Là. Et les choses, on va voir comment elles vont se mettre en place. Mais c'est des possibilités de rentrer dans un temps de système, parce qu'il y a des failles aussi. Mmh. Et puis, il y a possibilité, effectivement, qu'il y ait un gros changement maintenant, puisque bah, ça se démocratise beaucoup, quand même, la vidéo. Il y a effectivement de plus en plus de gens, de milieux associatifs ou autres, militants, etc., qui ont des caméras, qui ont des outils comme ça, de production. Et puis du coup, maintenant, on peut le diffuser. Il y a 10 ans déjà, au début de l'ouverture de la TNT, il y a 15 ans, c'était pas du tout le cas, c'était déjà assez lourd. Il y avait quelques groupes qui avaient ça, et finalement, il y avait des télés libres au moment de cette création-là, c'était se compter sur les doigts de la main, en fait. Maintenant, des télés libres, on est déjà, nous, déjà nos connaissances, on a déjà une trentaine, et je pense qu'il y en a beaucoup plus, donc du coup, c'est intéressant de voir qu'il y a aussi une création, et donc effectivement, une proposition de contenu. On n'est pas encore assez bien organisé, assez outillé, assez compétent, assez riche pour faire du média, mais en tout cas, on commence à être un peu moins bête en se disant qu'en fait, finalement, ensemble, on peut être un peu plus fort. Enfin, c'est tout récent. Un café citoyen, c'est un débat d'idées sur une... Un café citoyen, c'est avant tout un lieu convivial. Un café citoyen, c'est pas une conférence. Et c'est pas échange, un partage. Ce qui importe le plus, c'est vraiment la participation des citoyens. En écoutant les opinions de chacun, de se faire une idée. Le principe est d'avoir des personnes ressources qui s'expriment sur une courte durée. Et ensuite, un débat est lancé avec les présents dans la salle.